Thank you. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. Là-bas dans le Kentucky, quand le corbeau se marie, pendant trois jours, trois nuits, c'est la folie. Sur une vieille estrade en bois, le violon, l'harmonica vont graver et vont s'endommer à cœur joie. Attention, on y va, faudrait pas faire un faux pas. Tu y es la colonne de la danse. En hiver, de manière, choisissez vos cavaliers. Allons tous les amis, c'est parti. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, choubidoubidou, on chante, on danse, on rit. Choubidoubidou, tout choubidoubidou, dame, comme son mari au Kentucky. En costume de gala, tout le monde est déjà là, le shérif, le forgeron et l'avocat. L'oncle John, les petits cousins et tous les cow-boys du coin, le chasseur de primes et une tribu d'indiens. Et voilà qu'arrive encore un trappeur, un chercheur d'or, le patron du saloon, celui du drugstore. Le Tommy puis le Marshall sur son vieux cheval bancal et monsieur le curé qui va ouvrir le bal. Et attention, on y va, faudrait pas faire un faux pas. Suivez bien la cadence de la danse. Sans plus de manière, choisis plus vos cavalières. Allons-y les amis, c'est parti. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, choubidoubidou, on chante, on danse, on rit. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, quand on se marie au Kentucky. On en profite aussitôt pour vider quelques barils, quelques tonneaux. Puis soudain sans crier gare, on déclenche une bagarre juste afin de montrer qu'on n'est pas rouillé. D'ailleurs tout le monde déroule, vous parlez d'une ratatouille. Un quart d'heure après faut voir un peu les boules. Y a déjà quelques clients qui l'ont perdu toutes leurs dents, mais ça ne les empêche pas de remettre ça. Attention, on y va, et ça cogne un peu d'envoi. En suivant mon placement de la danse, on oublie les manières, on oublie les cavalières. Allons-y les amis, c'est parti. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, choubidoubidou, on chante en dansant rire. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, quand on se marie au Kentucky. Quand y'a plus rien à casser, alors faut bien s'arrêter. On traque un nouveau car on n'est pas fâché. Comme on a bien rigolé, on pourra recommencer sur Romain l'année prochaine pour le baptême. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, choubidoubidou, on chante en dansant rire. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, quand on se marie au Kentucky. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, choubidoubidou, on chante, on danse, on rit. Choubidoubidou, choubidoubidou, dame, quand on se marie au Kentucky. Quand on se marie au Kentucky. Quand on se marie au Kentucky. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. Le grand, le magnifique Roberto Alagna va nous chanter I Love Paris. Tu viens, Jean? J'arrive. Springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. my love is new. You love Paris in the springtime. Yeah. You love Paris in the fall. You love Paris in the winter when it drizzles. You love Paris in the summer when it seasons. Tell me, Jean, you love Paris in the fall? Oh, oui. Vous savez pourquoi? De Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Luis Mariano nous chante Hey Vito. Con el Vito, Vito, Vito, con el Vito, Vito, con el Vito, Vito, Vito, con el Vito, Vito. En las torres, las mujeres, lo comparo a la plazuela. En las torres, las mujeres, lo comparo a la plazuela. Con el vino, vino, vino, con el vino, vino, va. Con el vino, vino, vino, con el vino, vino, va. Y hace mucho, dura poco, y no alumbra. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. Annie, Annie, Annie, Annie, Gordy, cha cha, cacao. Chocolat.

La magnifique Annie Gordy va nous chanter cigarette, whisky et petite bébé. Cigarette et whisky et petite bébé, les groggy te rendent un peu cinglé. Cigarette et whisky et petit pépé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Tu sais que le tabac, c'est mauvais pour la voix. Tu sais que l'alcool, c'est pas bon pour ton foie. Quant au petit pépé, c'est fatal pour ton cœur. Toi, tu prends les trois, tu dis qu'il n'y a rien de meilleur. Cigarette et whisky et petite pépé, te laisse groggy, te rendre un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Les femmes et le tabac, laisse-moi te l'expliquer. À peine allumé, ça s'envole en fumée. Mais tu as pris goût, il te faut mon petit gars. Une blonde à tes lèvres et l'autre dans tes bras. Cigarette et whisky et petite pépé, te laisse groggy, te rendre un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, si c'est ta vie, t'as raison de les aimer. Quand ton ange gardien en se croisant les ailes, te diras-tu bien, là-haut y a du soleil. Un dernier mégot, le verre du condamné. Le sourire d'une fille, et vive l'éternité. Cigarette et whisky et petite pépé, te laisse groggy, te rendre un peu cinglé. Cigarette et whisky et petite pépé, bye bye la vie, y a plus rien à regretter. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. Mr. Billy, le Swing Orchestra nous chante, nous fait jouer, chanter, danser. Dixie Grand Water Jive. When I want to set my mind at ease, when I'm wondering if I burn or freeze, I get my weather jive from the sunniest sky alive. You wear your overcoat, you tell your weather, you say to sail your boat, his name is Dickie, he's the weather wise guy for me. You tell your weather, we get a thunderstorm, you tell your weather, to keep your tootsies warm, his name is Dickie, he's the weather wise guy for me. He knows when clouds are bursting, he knows when skies are blue, he knows his lows and hidey highs, and to keep you smiling too. The skies are dreary, you brighten up your day, the guy's cheery, he takes the blues away, his name is Dickie, he's the weather wise guy for me. Thank you. buckle up your skis and tell your weather. We get a balmy breeze, his name is Dicky. He's the weather wise guy for me. And tell your weather, you're gonna slip inside. And tell your weather, to just stay home and hide. His name is Dicky. He's the weather wise guy for me. He knows when clouds are bursting. He knows when skies are blue. He knows his lows and hidey highs and the rest of that jive-a-roo. Weather, we hear the thunderstorm. I tell you weather, to keep your tootsies warm. His name is Dickie, he's the guy for me. He's my favorite weather personality. You told your mom that I'm missing. You told your mom that I'm missing. Dans quelques minutes, les chansons italiennes, mais pour l'instant, Glenn Miller va nous chanter My Blues Warren. Yeah. musique et tout du monde de la musique. Le tour du monde de la musique, c'est RMK 42 Saint-Étienne, la seule et unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Et nous allons vibrer aujourd'hui avec I Want You et Eduardo Vianello. Nel continente nero, Barabonzi Bonzi Bo, alle falde del Kilimangiaro, Barabonzi Bonzi Bo, ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi e galli galli, arigalli, arigalli. Siamo i Batusi, siamo i Batusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi. Facciamo sei metri, noi siamo quelli che nell'equatore vediamo per primi la luce del sole, noi siamo i Batusi. Siamo i Batusi, siamo i Batusi, gli altissimi negri, quello più basso, quello più basso, è alto due metri, qui ci scambiamo l'amore profondo, tanto ci baci più alti del mondo, siamo i Batusi. Alle giraffe guardiamo negli occhi, agli elefanti parliamo negli orecchi, se non credete venite qua giù, venite, venite qua giù. Siamo i Batusi, siamo i Batusi, gli altissimi negri, ogni tre passi, ogni tre passi, facciamo sei metri. Ogni cabana del nostro villaggio ha perlomeno tre metri di raggio, siamo i Batusi. Nel continente nero, si bon si bon si bon, alle falde del Kilimangiaro, si bon si bon si bon, e ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli più famosi, galli galli, arigalli, arigalli. Noi siamo quelli che nell'equatore vediamo la luce del sole, noi siamo i Batusi. Nel continente nero, si bon si bon si bon, alle falde del Kilimangiaro, si bon si bon si bon, esiste la parola di negri che ha inventato tanti balli più famose, dalli galli, dalli galli, dalli galli. Vous êtes en direct sur RMK 42 Saint-Etienne. Julius La Rosa va nous chanter Hey Compare. Hey Compare, ci va a suonare. Chi si suona un friscaletto, e come si suona un friscaletto, un friscaletto tipiti tipitita. Ehi compare, ci va a suonare, chi si suona un saxofona, e come si suona un saxofona, tu tu tu tu un saxofona, un friscaletto tipiti tipitita. Ehi compare, ci va a suonare, chi si suona un mandolino, e come si suona un mandolino, a pling un mandolino, tu tu tu tu, un saxofono, un friscaletto, tipiti tipitita. Ehi compare, ci va a suonare, chi si suona un violino, e come si suona un violino, violino, a zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu u saxofona, u fiscaletto tu piti tu piti ta. Ehi compare, ci va a suonare, chi si suona la trombetta, ma come si suona la trombetta, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu u saxofona, u fiscalette, tipiti tipiti ta. Ehi compare, ci va a suonare, chi si suona la ciambona, ma come si suona la ciambona, a fumma fumma la ciambon, pa pa pa pa pa la trombetta, zinga zingu violina, plinga plingu mandolin, tu tu tu tu u saxofone, u fiscalette, tipiti tipiti ta. Now exultement, 9 minutes rock and roll est slow de partir de 16h jusqu'à 20h, mais pour l'instant, Annie Cordy va nous chanter Hello Dolly. Dolly, je reviens à la maison et c'est si bon. T'as rajeuni Danny, toi aussi Johnny, tu rayonnes, tu étonnes, toujours beau garçon, quelle élégance Willy, quand tu danses ainsi sur cet air qui me rappelle les beaux jours. Oui, quoi qu'on fasse, hélas, nos 20 ans ça passe, alas, mais on revient toujours à ses amours. Hello, Dolly, oui c'est moi, Dolly, dans le monde entier, on connaît mon prénom. Oh! Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, je vous demanderai de bien vouloir écouter la musique. En duet et en stéréo sur RMK 42 Saint-Étienne. Vous êtes en duet et en stéréo. Stéréo. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. C'est parti pour 4 heures de rock'n'roll de folie avec Danny Bruyon pour commencer. Tu vuoi fare l'americano? Puerto Cancún, Cunus, Temararete. Na gubulera cavizia raizzate. Pazes campaniano petule. Come ne guapo pete fa guante. Tu vuoi fare americano, americano, americano. Sienta me chi non fa fa. Tu vuoi vire alla moda. Ma si bevi whisky e soda. O te siento disturbar. Tu adoro rock and roll. Gioca al baseball, ma sorte becca me. Chi te dita la possetta di mamma. Tu vuoi fare americano, americano, americano. Immagina di Italy, sienta me, non c'è sta niente a fa. O per la morita. Tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Thank you. scappare il mezzo americano. Quando si fa l'amore sotto la luna, commette per scappare il piano più. Americano, americano, americano. Siéntame en tu papá, tu volviste a la moda, más si te digo whisky and soda, hoy te sientes disculpado. While I love rock and roll, tu choque al desembol, my soul te perca, man, qui te dirá la bolseta de mamá. Tu papá americano, americano, americano, ma si nati in Italia, siéntame en tu cesta, dieta pa, ok, la pulita. Tu può fare l'America, tu può fare l'America. Tu può fare l'America, l'America. Siéntame chi tu fa fra. Tu può venire alla moda, ma tu devi whisky soda. O te siente disturbato, guarda lo rock and roll. Tu gioca al baseball, ma sotto il peccamello. Americano, americano, americano. Mattina di Italia, sienta le ricette, niente fa. Ok, la verità, tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. La sublime Bette Midler va nous chanter Rhythm. Jumping with my boys, it's right here in the city. Don't you know that it was grand, really grand, so grand. Then you came along, then you came along, boy, and sang your favorite song, sang your song, and I asked what to sing. So what you call and what you doing tonight? I hope you're in the mood because I'm feeling just right. Close up on a corner with a table for two. Feel the music, smell the whiz, and give them boo. Nails on hands, romancing with a blue attitude. You know you got to do some dance if you get in the mood. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. It's a moon. In the moon. In the moon. In the moon. In the moon. Such trumpet says, hey, swing with me. What will it be? May I intrude this time? Oh, Galileo's dance. What a dream romance. Ooh. It's a quarter to three. There's a mess of moonlight. Cheer with me, you know. I think it's rude to keep it sweet when I'm in the mood. In the mood. Va nous chanter Johnny Be Good. Deep down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods among the evergreens, someday you would be a man. You would be the leader of a big old band. Many people coming from miles around. Hear you play your music when the sun goes down. Maybe someday your name will be like St. Johnny B. Goode tonight. Oh, oh, Johnny, go, go. Qui vous fait vibrer de l'intérieur. Alice Donna, elle va nous chanter Bim Bam Bam. Quel bonheur de partir au soleil, le temps de marcher n'importe où en chantant. Allons, lèvres, pardonnons-nous la main, car pour nous les chagrins, c'est pour demain. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam. gens qui n'ont rien compris et qui n'ont pour nous que du mépris. Alors, les copains, nous n'y pouvons rien. Laissons-les se noyer dans leur passé. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. S'en être en nous sans savoir, je crois un amour, il aura tous les droits. Il te plaît, copain, vois des gens, le bien, ce merveilleux trésor vaut plus que l'or. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. Bim bam bam bam bam bam bim bam bam. La folie du rock and roll. Mr. Bob Blanc va nous chanter Twist on Madison. Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Diana Ross et les Supremes vont nous chanter Stop in the Name of Love. Yeah. Presley va nous chanter Fall in Love. Au crayon noir tes jolis yeux. imagine que ce sont de papillons bleus. Tu vois depuis le premier jour qu'on s'aime, frappé par ton regard ailé, j'ai oublié ton nom de baptême. Tout de suite je t'ai appelé ma douce biche, ma biche. Lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux, bichon ma biche, moi je m'imagine que ce sont de papillons bleus. Je me demande pourquoi tu te maquilles, si tu veux mon avis à moi, sans rien tu sais tu es très très jolie. Pourquoi tu triches sur ma biche, je t'en prie de grâce, laisse tes yeux sans rien autour. Pour moi ma biche, quoi que tu leur fasses, tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Tes yeux sont les yeux de l'amour. Stereo, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Rock and roll, c'est RMK 42 Saint-Étienne. Connaissez la fille du Père Noël? Eh bien, je la connais très bien. Je vais la rencontrer le 21 décembre à minuit. Je l'ai trouvée au petit matin, toute nue dans mes gros souliers, placée devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. Mesdames et mesdemoiselles, mais pour l'instant, les lionceaux vont nous chanter Je te veux tout à moi. Quel que soit le moyen, je m'en moque, je te veux tout à moi. Si j'avais eu le choix de l'époque pour t'avoir tout à moi, j'aurais bravé le feu, les orages, la mort et les grands froids. Pour que tu saches avec quel orage je te veux tout à moi. Je te veux tout à moi. Va nous chanter une chanson mythique des années 60, Saint-Tropez Twister. A Saint-Tropez, la luna si resta con te. E va la twist, contando le stelle nel cielo. Ma la stella un po' più bella non è il cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez, ma la stella tua più bella non è cielo qui vicino a me. A Saint-Tropez, twist twist tutto il mondo, twist twist stai perdendo. Sogno vuol tornare, una lunga notte ancora mai più scordare. A Saint-Tropez, la gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare un po' più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli in twist. Vuoi sembrare un po' più bella, ma l'amore è sempre quella se tu balli in twist. Twist! Scordare Saint-Tropez, la gente si chiede perché tu balli twist portando un vestito in lame. Vuoi sembrare un po' più bella, ma non è sempre quella se tu balli twist. Ballano, cantano, senti che brivido, questa è la vita fantastica di Saint-Tropez. Twister, Saint-Tropez. Stereo, rock and roll, rock and roll, rock and roll. J'espère que vous aimez la tequila, tequila, Grip Lichon. Shakira. Tout le monde dans les mers du sud avec le ukulélé orchestra qui nous chante et nous fait danser Johnny B. Good. Down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in our woods among the evergreens, they stood a log cabin made of earthen wood. They lived a country boy named old Johnny B. Good. Never ever learned to read or write so well, but he could play a ukulele just by ringing a bell. Go, go, go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny, be good. He used to carry his uke in a gunny sack, go sit beneath a tree by the railroad track. The engineer would see him sitting in the shade, strumming with a rhythm that the drivers made. While the people passing by, they would stop and say, "Whoa, my, but that little country boy can play." Go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go, go, Johnny, go, go, go. Je vous le dis comme je le pense, elle est terrible. Yeah. on va nous chanter Night Time and You're All After Tea. How much I hate to hold you again and again and again. Little girl, at night times out, can you refuse me? And say that you refuse me nine times again. But I won't stop until you choose me again and again and again. Well, don't try to fire it, cause it's no use. You're gonna find out that I'm stubborn as a doggone mule. Nine times out of ten, I try to kiss you. I try it just nine times again. Well, if I miss the nine times that I try, I'll bet my life I get your number ten. Yeah. Stereo, rock and roll, rock and roll, rock and roll. Sur RMK 42 Saint-Etienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur une nuit sans toi. Une nuit sans toi. Thank you. voici le moment du slow, mesdames et mesdemoiselles. Tant attendu, John Lennon va nous chanter une chanson mythique des années 60, Imagine. Chanté par Bobby Solo. Ora che sei già una donna, tu non hai più bisogno di me. Ah, 42 Saint-Etienne, et c'est le moment tant attendu, c'est le moment des slow. Il m'a pris dans ses bras et il m'a dit: je suis DJ. Oh, bouleversant. Voici un moment du slow. Et we are on the song tonight, Elvis Presley. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory to a brighter summer day, when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said that the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange, and why I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? Yes. termine cette magnifique série de slow avec le groupe Eagles qui nous chante et nous fait jouer une musique langoureuse, Hotel California. What a nice surprise, what a nice surprise. sur MK 48 de Saint-Etienne, la seule et unique radio planétaire qui vous fait vibrer l'intérieur Jerry Lee Lewis. Il va nous chanter My Girl Josephine. Hello Josephine. Do what did it, do? We'll sing it to me. Do what did it, do? Yeah, do. 88.42 de Saint-Étienne et le 17h10 et nous sommes en plein rock'n'roll. Bill Sherrill nous chante Cool Cat. Well, down at the jukebox the other night, Cool Cat came up on the scene. He said to me, "What's going on, Mac? Brother, he looks sort of mean." Well, I said, "My friend, this is the spot where the gang gets together to the rock and the bop, and I can tell by looking, you're a real cool cat." Yeah, well, a real cool cat is a cat to watch. Tell about him. Well, he'll dance with your girl, give her a whirl. Soon you'll be a looking boy then. Well, he'll whisper to her some real cool words. She'll fall for him at the drop of a hat, and I can tell by looking he was a real cool cat. Bill Sherrill, c'est RMK 42. Saint-Étienne, la seule et l'unique radio planétaire qui vous fait vibrer de l'intérieur. Patience, patience, une petite demi-heure et ce sera les slow, mais pour l'instant, Larry Dawn va nous chanter Pink Cadillac. Pink Cadillac, going down the road. I told my baby, quite a tough load. Oh, baby, look. And she said, "I'd rather have you hung alive." Well, come on. Fast, going down the road, fighting with past. I look at my baby, she looked at me. The end of my room was more like she say she love me, she say she care, but if she run a little bit Cardiac. Le formidable Jackie Wilson va nous chanter Ray Petite. Well, look at the fine, fine, fine. She's really sweet, kind of got her in one of me. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. From my head to toe, I want the world to know I love her, love her, love her. She's alright. She's alright. She's alright. She doesn't look at me at night. Like peaches from a tree, I love her, need her. She means so much to me. She's alright. She's got what it takes. She's got what it takes, and with the moon she'll really raise. Well, oh now she's my cutie, my tutie fruity, my heart, my love, my baby beauty. She's alright. She's got just what it takes. She's got what it takes, and with the moon she'll really raise. Sincèrement, mesdames et mesdemoiselles, pour vous, uniquement pour vous, mon cœur fait boum, boum, boum. Right down, right off of your feet. Take you home with me. Put you in my house. Boom, boom, boom, boom. How, how, how, how. I love to see you strut up and down the floor. Talking to me, that baby talk. I like it like that. Whoa. You love me. I love that talk. When you talk like that, you knock me out right off of my feet. Whoa, whoa, whoa, whoa. Whoa, talk. stereo. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. Dans un peu plus d'un quart d'heure, mesdames et mesdemoiselles, slow, mais pour l'instant, Ray Gelato et les Gunfor vont nous chanter Pasquale Americano. Voglio, my name is Pasquale Americano, que nessuno è fesso. Pasquale, Pasquale, Pasquale americano,